qu'il est collant, ce type. Je dis rien parce que je veux pas faire de scandale, mais alors, quel pot de colle. Il se fait des idées ou quoi? J'ai accepté cette série de slow avec lui pour pas faire tapisserie devant les copines, mais alors, j'en vois plus le bout. Mine de rien, je suis en train d'emballer, moi. J'emballe sec. Allez, vas-y, Jeannot, attaque. Ça marche. Accroche-toi, Jeannot. La nuit est à nous. Ça n'en finit pas. Qu'est-ce que je regrette d'avoir dit oui à ce type. En plus, il s'est aspergé d'eau de toilette. Mon Dieu. Je sais pas ce que c'est que cette eau de toilette, mais alors, drôlement incommodant. Elle est pas mal, ma cavalière. Elle est pas terrible, mais elle est pas mal. Pour une fois, j'ai pas hérité de la plus moche. Il y a pas longtemps, je me suis coltiné une géante toute la soirée. Au moins, celle-là est à ma taille. Elle est pas terrible, mais elle est à ma taille. Pas du tout, mon géant, ce garçon. Moi, j'aime les grands blonds, alors je suis servie. Comme Metek, on fait pas mieux. Je suis sûre qu'il doit être libanais ou quelque chose. Quelle horreur. Oh, et puis alors, il me donne chaud à me coller comme ça. Et vas-y que je te colle, et vas-y que je te colle. Dommage qu'elle ait les mains moites. Ça me gêne pas des masses, mais elle a les mains moites. C'est pas ce que je dois lui faire de l'effet. C'est l'excitation, ça. Je vais lui mordiller le lobe de l'oreille. Si elle me fout pas une baffe, c'est que j'ai ma chance. Ouais, c'est pas dans la poche. Faut s'accrocher. Accroche-toi, Jeannot. Il m'a mordu l'oreille, il m'a fait mal, ce con. Il est con, ce type. Oh, et puis alors, qu'est-ce qu'il cocotte? Cette eau de toilette, nauséabonde. S'il n'y avait pas les copines qui me regardent, comment que je te le planterais là? Mais ça, Arlette et Josie, je veux pas leur faire ce plaisir. Elles en sont vertes de me voir danser, malades de rage. Alors ça, maintenant, tant pis, je vais au bout. Mais alors, on peut dire que ça me coûte, hein? Elle en peut plus. Je la rends dingue, la poulette. Et encore, j'ai pas sorti de l'ange. Attends un peu que je me déchaîne. Allez, vas-y. Vas-y, Jeannot, emmène-la au ciel. J'ai envie de vomir. C'est la dernière fois que je viens danser. Tant pis si je coiffe Sainte-Catherine, mais alors, les exciter comme ça, merci bien. Je vais lui griffer le dos avec mon pouce. Il paraît qu'elles adorent ça, ces chiennes. Je l'ai lu dans une revue spécialisée. On va voir ce que ça donne. Je vais partir du bas du dos et remonter jusqu'à la nuque. Aïe! Mais il est givré, ce mec. Il vient de me labourer la peau du dos avec son ongle. Tu parles d'un plaisir? Moi qui ai un mal fou cicatrisé, c'est bien ma veine. Il a fallu que je tombe sur un sadique. C'est tout moi, ça. Il manque que ça finisse ce slow parce que je suis au bord de l'esclandre. Bien joué, Jeannot. Elle est à point, là. Elle est à point. Il n'y a plus qu'à porter les stockades. Allez, vas-y, Jeannot. Vas-y, mon fils. Il faut conclure maintenant. Berk. Berk, berk, berk, berk, berk. Et voilà le travail. C'est pas si compliqué, les gonzesses. Faut savoir s'imposer, c'est tout.